Oh ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Once again, oh ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Ma Zelda, tu cherches l'ocarina, mais j'ai du planqué au fond de mon slibard. Ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Everybody, ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Ma Zelda, tu veux que je sauve le monde, tandis que moi j'ai des gros œufs à faire pondre. Ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Everybody, ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. En faisant de temps maintenant, ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Ma Zelda, comment je peux finir ce jeu? Il se finit aussi vite qu'une nuit au pieu. Ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Everybody, ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Les filles maintenant, ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Ma Zelda, j'ai plus de pognon maintenant, comment je peux jouer à ce jeu déconnant? Ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Everybody, ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Ma Zelda, ma Zelda, ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf. Ma Zelda, tu piques des rubis, cours après Ganondorf.